Allez, qu'en dira-t-on que demain ne tourne pas? Cette foutue planète qui en rond ne vrille pas. Et moi j'étais là à regarder le ciel rougir. Peut-être bien qu'il tombe amoureux. Peut-être bien qu'il tombe sur nos têtes. Allez, qu'en dira-t-on que se blesse et vole au vent? Ces foutus ringards vendant des politiques en costume cravate ou ne pas vous choisir, vendant des amourettes en guise d'adieu mesdames, vendant des amourettes en guise d'adieu messieurs. Allez, qu'en dira-t-on que ce monde est bien petit pour toi et moi qui sommes si grands, pour toi et moi qui sommes si cons à regarder la terre s'enfuir à 20h, culture de la peur à 20h sur nos télévisions. Et allez, qu'en dira-t-on? Et allez, qu'en dira-t-on? Et allez, qu'en dira-t-on? Allez, qu'en dira-t-on que l'avenir nous appartient? Idéaliste ou réaliste, c'est à vous de choisir. Je ne sais pas s'il faut le croire, je ne sais pas s'il faut le voir, mais tant pis, je le chante quand même. Mais tant pis, je le chante quand même. Allez, qu'en dira-t-on que demain ne tourne pas? Cette foutue planète qui en rond ne vrille pas. Et moi j'étais là à regarder le ciel rougir. Peut-être bien qu'il tombe sur nos têtes. Peut-être bien qu'il tombe amoureux. Et allez, qu'en dira-t-on? Et allez, qu'en dira-t-on? Et allez, qu'en dira-t-on? Allez, qu'en dira-t-on que demain ne tourne pas? Cette foutue planète qui en rond ne vrille pas. Et moi j'étais là, regardez, laissez-le rougir. Peut-être bien qu'il tombe sur nos têtes. Peut-être bien qu'il tombe amoureux.